إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers frères et sœurs, nous commencerons aujourd'hui cette nouvelle série de cours sur l'explication des invocations du matin et du soir mentionnées dans le célèbre livre intitulé « Husnul Muslim, la citadelle du musulman » composé par le cheikh Saïd ibn Ali al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Et avant de commencer l'explication de ces différentes formules de rappel et invocations qui sont mentionnées dans ce livre, j'aimerais aujourd'hui que l'on voit tout d'abord ensemble une courte introduction concernant les mérites de ces invocations et quelques règles liées à celles-ci. Comme vous le savez, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des adorations les plus nobles par lesquelles le serviteur se rapproche de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est une des plus grandes causes te permettant d'augmenter ta foi, de lier ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi d'obtenir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les différents malheurs qui peuvent atteindre le serviteur ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son noble livre de nous rappeler de lui de façon abondante. Il a dit au verset 41 de surat Al-Ahzab, « Ya ayyuhal ladhina amanu thkurullaha dhikran kathira. » Ô vous qui croyez, rappelez-vous d'Allah de façon abondante. Rappelez-vous souvent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette même sourate, au verset 35, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a préparé un pardon et une récompense immense pour ceux qui se soumettent à cet ordre et se rappellent de lui de façon abondante. Il a dit subhanahu wa ta'ala, « وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا » Et ceux et celles qui se rappellent d'Allah de façon abondante, Allah a préparé pour eux un pardon et une récompense immense. Un pardon et une récompense immense. Et chacun d'entre nous doit chercher à faire partie de ceux qui obtiendront ce pardon et qui obtiendront cette récompense immense mentionnée dans ce verset. Et pour ce faire, nous devons multiplier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, multiplier les adhkar. Et comment faire pour être réellement de ceux qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon abondante? Comment faire pour obtenir cette récompense et ce mérite? Quel est le minimum à accomplir? L'éminent cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Nasiri rahimahullah ta'ala a répondu à cette question dans l'explication de ce verset. Il a dit rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants de se rappeler de lui de façon abondante, comme en faisant le tahlil, qui consiste à dire la ilaha illallah, le tahmid, alhamdulillah, le tasbih, subhanallah, le takbir, Allahu akbar, et autres formes de rappel. Comme avec toute parole qui rapproche d'Allah. Toute parole que tu prononces et qui te rapproche d'Allah, c'est une forme de rappel d'Allah. L'enseignement du bien, le commandement du bien, l'interdiction du mal, une belle parole que tu prononces pour rendre joyeux ton frère, rendre joyeuse ta sœur, et ainsi de suite. Donc il dit tout ceci est compris par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, et le minimum de cela, c'est-à-dire le minimum à accomplir pour te soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te dit de te rappeler de lui de façon abondante. Il dit le minimum de cela est que l'homme soit assidu aux formules de rappel du matin et du soir, celles après les cinq prières, après les prières obligatoires, et au moment et dans les situations où cela est légiféré. Vous avez vu dans la citadelle du musulman, il y a un certain nombre de formules de rappel et d'invocations à prononcer à différents moments et en différentes situations. Donc celui qui fait cela, qui est assidu aux formules de rappel du matin et du soir, aux formules de rappel après les cinq prières obligatoires, et aux moments et dans les situations où cela est légiféré, en sortant de chez lui, en entrant chez lui, avant de manger, après manger, ainsi de suite, alors il fera partie de ceux qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon abondante. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit, et il convient d'être constant en cela en tout temps et en toute situation. Car ceci est une adoration par laquelle celui qui œuvre prend les devants et trouve l'apaisement. Et ceci le mène à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa connaissance. Et cela l'aide dans le bien et préserve la langue des mauvaises paroles. Fin de citation de la parole du shaykh rahimahullah ta'ala. Si tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon abondante, ceci va augmenter ton amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et ta connaissance de ton Seigneur, car tu vas te rappeler de lui en méditant sur les sens de ces paroles que tu prononces. Et également, ceci va t'aider dans le bien et préserver ta langue des mauvaises paroles. Car tant que ta langue est humide en raison de ta prononciation du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle sera préservée des paroles futiles ou pire encore, des paroles interdites. Et l'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, a dit concernant l'ordre qui nous est adressé dans ce verset de nous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon abondante, il dit rahimahullah, il a légiféré cela sans limite, car c'est une chose simple pour le serviteur. C'est une chose simple de faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit rahimahullah, et qu'il y a en cela une récompense immense. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, nul n'est excusé pour le délaissement du rappel d'Allah, sauf celui qui a perdu la raison. Allahu Akbar. Sauf celui qui a perdu la raison. Il n'y a que lui qui est excusé pour le délaissement du rappel d'Allah. Mais toi, tu as ta raison, alhamdulillah. Donc pourquoi délaisser le rappel d'Allah et pourquoi ne pas profiter de ton temps, matin et soir, et à autre moment de la journée pour multiplier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire partie de ceux qui se rappellent de lui de façon abondante. Donc pour faire partie de ceux-là, de ceux qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon abondante, il te convient d'être assidu au rappel d'Allah de manière générale et plus particulièrement, comme on l'a vu, au adhkar du matin et du soir. Et ceux-là sont d'ailleurs spécifiquement mentionnés dans le verset suivant de Surat al-Ahzab, dans le verset 42. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 41, « Ya ayyuhal ladina amanu thkurullaha dhikran kathira. » Ô vous qui croyez, rappelez-vous d'Allah de façon abondante. Rappelez-vous souvent d'Allah. Ensuite il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset suivant, « Wasabbihuhu bukratan wasila. » Et proclamez sa pureté à la pointe et au déclin du jour, c'est-à-dire le matin et le soir, en début et en fin de journée. Et dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous rappeler de lui à ce moment. Il a dit subhanahu wa ta'ala au verset 55 de Surat Ghafir, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Et proclame la pureté de ton Seigneur et sa louange le soir et le matin. Et il a dit au verset 17 de Surat Ar-Rum, فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. Et proclamez la pureté d'Allah lorsque vient le soir et lorsque vient le matin. Et il a dit subhanahu wa ta'ala au verset 39 de Surat Qaf, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. Et proclame la pureté de ton Seigneur et sa louange avant le lever du soleil et avant le coucher. Tous ces versets nous démontrent qu'il est fortement recommandé d'être assidu au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. À quel moment? En début et en fin de journée. Et ceci comporte de nombreux bienfaits, comme on va le voir à travers ces cours, incha'Allah ta'ala. Et dans ces versets, on voit le moment légiféré pour prononcer ces invocations du matin et du soir. Qu'est-ce qui est visé par le matin et qu'est-ce qui est visé par le soir? D'un point de vue général, les gens de science ont dit que le matin commence au lever de l'aube, à l'entrée du temps du Fajr. Et il termine au moment de l'entrée du temps de la prière d'Adh-Dhuhr. Ceci est le matin dans le sens linguistique. Et le soir, il commence au moment de l'entrée du temps de la prière d'Adh-Dhuhr et termine au milieu de la nuit. C'est pour cela que vous trouverez certains savants dire que le temps pour faire ces invocations est large. Ils diront que les adhkars du matin commencent dès le lever de l'aube et que nous avons jusqu'à la prière de Dhuhr pour les prononcer. Et ils diront que les adhkars du soir commencent, une fois le temps de la prière de Dhuhr entré, jusqu'à après la prière de l'Aïcha. Et ils disent l'affaire est large à ce sujet, et qu'à partir du moment où tu prononces ces adhkars dans ces deux créneaux horaires, alors tu les as prononcés dans le temps légiféré. Toutefois, d'autres savants considèrent que leur temps est plus restreint. Et c'est ce que démontre le dernier verset que l'on a mentionné. Le verset de Surat Qaf. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans celui-ci ? وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ Et proclame la pureté de ton Seigneur et sa louange. À quel moment ? قَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ Avant le lever du soleil. Avant le shuruq. وَقَبَلَ الْغُرُوبِ Et avant le coucher. Avant le coucher du soleil, avant l'entrée du temps de la prière d'El Maghreb. Donc ces savants ont donc dit que le temps pour les adhkars du matin, il commence au lever de l'aube, à l'entrée du temps de la prière du Fajr. Et il termine au shuruq. Et le temps des invocations du soir, il commence après la prière du Asr et se termine au coucher du soleil, c'est-à-dire dès l'entrée du temps de la prière du Maghreb. C'est pour cela qu'il est préférable et fortement recommandé de faire les invocations du matin et du soir durant ces deux créneaux horaires. Les adhkars du matin, avant le shuruq. Dès l'entrée du temps de la prière de l'aube, tu peux commencer à faire ces adhkars. Et après la prière du fajr, tu veilles à ne pas t'endormir avant d'avoir fait ces adhkars, car ils sont d'une grande importance, comme on va le voir. Et en ce qui concerne les adhkars du soir, tu veilles à les prononcer après la prière de l'asr, et à ne pas les délaisser jusqu'au soir. Et en agissant ainsi, tu les auras fait durant le moment le plus méritoire. Et tu seras ainsi également sorti de la divergence mentionnée à ce sujet. Toutefois, si suite à un empêchement, ou pour une autre raison comme l'oubli, tu n'as pas pu les faire à ce moment, il y a une question qui est souvent posée concernant celui qui s'est levé en retard, et qui n'a eu que le temps de faire la prière du Fajr avant le shuruq. Peut-il après le shuruq faire les adhkars du matin? La réponse est oui, il n'y a pas de jeûne, inshallah ta'ala. De la même manière, si une personne a eu un empêchement et n'a pas pu prononcer ses invocations après la prière de l'Asr, elle était prise par différentes occupations qui l'ont empêchée de prendre le temps de faire ses invocations. Alors, il n'y a pas de gêne dans cette situation à ce qu'elle les fasse même après le Maghreb ou même après l'Aïcha, si elle n'a pas eu le temps de les faire avant. Mais le mieux, et ce qu'il y a de préférable, et ce à quoi tu dois veiller à être assidu, et de les prononcer dans les deux créneaux horaires que l'on a mentionnés. Entre le lever de l'aube et le shuruq en ce qui concerne les adhkars du matin, et après la prière de l'asr et avant le maghrib en ce qui concerne les adhkars du soir. Et si de temps à autre tu as un empêchement ou tu oublies ou autre, alors il n'y a pas de gêne à faire les adhkars du matin même en fin de matinée ou les adhkars du soir même en début de nuit. Ceci est donc ce qui concerne le moment durant lequel il est légiféré de prononcer ses invocations. Et pour profiter de ces invocations de la meilleure manière, et que tu tires réellement profit de celles-ci, il est important de souligner qu'il est nécessaire de prononcer ces invocations d'un cœur présent, et de méditer sur les sens de ces invocations. Nous avons donc besoin d'apprendre leur sens, afin que ces invocations ne soient pas simplement de simples syllabes que l'on prononce machinalement les unes après les autres, sans en comprendre le sens et sans chercher à les méditer. Celui qui fait cela, il se prive d'un grand bien. Et c'est pour cela que nous allons voir, à travers ces courtes assises, incha'Allah ta'ala, l'explication des sens de ces invocations. Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit, ce qui est visé par le dhikr, par le rappel d'Allah, ce qui est visé par le dhikr est la présence du cœur. Il convient donc que cela soit l'objectif de celui qui le prononce, qu'il veille à atteindre cela, et qu'il médite ce qu'il prononce et réfléchisse sur son sens. En effet, la méditation du dhikr est demandée de la même manière que lors de la récitation. Fin de citation de la parole de Nawawi rahimahullah ta'ala. Lorsque tu fais du dhikr, il est demandé que tu médites sur ce que tu prononces de la même manière que lorsque tu lis le Coran et que tu les recites. Il est attendu de toi que tu médites sur le Coran. Donc ce qui est visé est la présence du cœur. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit « Le meilleur dhikr et le plus profitable est celui durant lequel le cœur est en accord avec la langue. » celui durant lequel le cœur est en accord avec la langue. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement ta langue qui fait du rappel d'Allah, mais elle doit être accompagnée de ton cœur. Que ton cœur soit présent, qu'il médite sur les sens de ces invocations, que tu les prononces avec véracité, avec certitude, avec une bonne opinion de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et si tu agis de cette manière, si tu médites sur ces sens, que tu les prononces avec véracité, d'un cœur présent, en ayant une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ces invocations te seront d'un profit immense, incha'Allah ta'ala, et elles seront pour toi une protection contre tout mot. Les nombres de malheurs qui touchent beaucoup de gens aujourd'hui sont la conséquence de leur insouciance ou de leur délaissement du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nombreux sont ceux parmi les gens à se plaindre d'être touchés par différents maux, comme le mal des djinns, le mal de la sorcellerie, ou le mal du mauvais œil, et autres parmi les méfaits qui peuvent atteindre le serviteur. Mais parmi eux, combien sont ceux à vraiment faire les causes pour se préserver de ces méfaits? Combien sont ceux, par exemple, à être assidus aux invocations du matin et du soir et à les prononcer quotidiennement? Et parmi ceux qui les prononcent quotidiennement, combien sont ceux à les comprendre? Et parmi ceux qui les comprennent, combien sont ceux à les prononcer d'un cœur présent? Ceci sont des questions que tu dois te poser. Et chacun d'entre nous est plus connaisseur de sa propre personne et nous devons tous nous remettre en question. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit dans l'un de ses livres, selon le sens, que celui qui a expérimenté ces invocations, alors il sait à quel point elles sont profitables et à quel point il en a besoin, car elles sont une cause empêchant l'effet du mauvais œil et elles sont une cause repoussant son effet après que la personne ait été atteinte, et ce en fonction de la force de la foi de celui qui les prononce. Mais dites bien sur cela. Et ce en fonction de la foi de celui qui les prononce. Il mentionne également, et la force de sa confiance en Allah, et de la fermeté de son cœur. Car les invocations sont une arme, et l'arme ne sera efficace qu'en fonction de celui qui la prend en main. En effet, si tu donnes une épée à quelqu'un qui n'a pas de force, cette épée ne sera d'aucun profit. Peut-être qu'il ne pourra même pas la soulever. Si tu donnes un pistolet à quelqu'un qui ne sait pas viser, il ne lui sera pas utile. De la même manière en ce qui concerne ces invocations. Elles te seront utiles en fonction de la présence de ton cœur, de la force de ta foi, de l'opinion que tu as de ton Seigneur, et ainsi de suite. Il ne faut donc pas négliger ces invocations et ne pas négliger l'attention qu'on leur accorde en les prononçant d'un cœur présent et non pas d'un cœur distrait et insouciant. Et parmi les bénéfices de ces invocations, et plus particulièrement les invocations du matin, il y a le fait qu'elles sont une cause de force et de vigueur pour celui qui est assidu. Sont une cause de force et de vigueur pour celui qui y est assidu. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit qu'un jour, il a vu Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah prier al-Fajr, puis s'asseoir pour évoquer Allah jusqu'à l'approche de la mi-journée. C'est-à-dire qu'après avoir prié le Fajr, il est resté assis à faire du dhikr jusqu'à l'approche de la mi-journée. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit ensuite, puis il s'est tourné vers moi et m'a dit, ceci est mon départ matinal, si je ne prends pas cette nourriture de mon corps et de mon cœur, je perds ma force. Ou une parole semblable à celle-ci. Donc celui qui est assidu au adhkar, il va trouver force et vigueur bi'inillahi ta'ala. D'autant plus, comme on a dit en ce qui concerne les adhkar du matin. Car il y a, dans le matin, une grande bénédiction. C'est pour cela que les salafs, rahimahumallahu ta'ala, réprouvaient de dormir après la prière du Fajr. Abu Wa'il, Shaqiq, Ibn Salama, rahimahullah ta'ala, a dit, un jour, nous nous sommes rendus auprès de Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, après avoir prié la prière d'Al-Fajr. Nous avons donc adressé le salam à la porte. C'est-à-dire, une fois devant la porte, ils ont dit « Assalamu alaikum ». Et il nous a été autorisé d'entrer. Mais malgré qu'il leur ait été autorisé d'entrer, ils sont restés un court moment à attendre devant la porte. Ils ne sont pas entrés directement. Alors la servante est sortie et leur a dit « Pourquoi n'entrez-vous pas ?» Ils sont alors entrés. Et ils ont trouvé Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu assis en train de faire du dhikr. Il leur dit alors, qu'est-ce qui vous a empêché d'entrer alors que cela vous a été autorisé? Ils ont dit, rien ne nous a empêché d'entrer si ce n'est que nous pensions que certaines personnes dans la maison étaient en train de dormir. Alors Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu de leur dire, et vous pensez que la famille de Ibn Ummi Abd est dans l'insouciance? Ibn Ummi Abd, il vise sa propre personne, car sa mère avait pour kunya Umm Abd, et donc lui, il était le fils de Umm Abd. Vous pensez de la famille de Ibn Ummi Abd qu'ils sont dans l'insouciance? Ensuite, il a continué de faire du dhikr, jusqu'à ce qu'il pense que le soleil se soit levé. Il a alors demandé à la servante d'aller regarder si le soleil était levé. Elle est alors partie observer et elle a vu que le soleil n'était pas encore levé. Il a ensuite continué de faire du dhikr, jusqu'à ce qu'il pense que le soleil se soit levé. Il a alors encore demandé à la servante d'aller voir si le soleil était levé. Elle a alors regardé et elle a vu que le soleil s'était levé. Puis Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit, Alhamdulillahi alladhi aqalana yawmana hada wa lam yuhlikna bidhunubina. Louange à Allah qui nous a permis ou qui nous a accordé cette journée et qui ne nous a pas anéantis en raison de nos péchés. Et ce récit est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. On voit donc à travers cela l'importance que nos pieux prédécesseurs rahimahumullah ta'ala a accordé au matin, et notamment les compagnons radiyallahu anhum. Ils donnaient à chaque temps sa juste valeur et ne négligeaient pas ces moments méritoires, et ils ont profité dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous convient donc de les prendre pour modèles et de les suivre en cela, car ils sont des exemples de piété, et de profiter de ces moments méritoires afin de faire partie de ceux qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon abondante et qui obtiendront, incha'Allah ta'ala, un pardon et une récompense immense. Ceci était donc quelques questions que je souhaitais aborder avec vous avant de commencer l'explication de ces différentes formules de rappel et invocations qui sont légiférées de prononcer lors des adhkar du matin et du soir. Et on commencera dès le cours prochain, incha'Allah ta'ala, par l'explication de Ayat al-Kursi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.